bail mon longitude, latitude, mon fait au pour altitude. Bon, combien mauvais l'habitude, on va la tête, pas ni plaisir, baby. You're ready now, you're ready now. Tonight, on va faire escale, on let la ligne. Pas même des toiles cabouillées, coto darling. Wine your waistline for me till morning. Baby, let me put you on. Baby, let me put you under.